qui ok les gros, GTA, sans prétention cousin, alliance malsaine, hostile, t'as pas le mental, ok. Sans prétention, j'ai les yeux bleus, j'ai la tête de l'emploi, j'ai le mental musclé qui me ferait gagner à Koh-Lanta. Capacité d'adaptation maxi, subis pas beaucoup la pression, Dieu merci. Sauf Big Balthazar, quasiment sûr de faire un bon papa. Tu lui confies un petit secret, rassure-toi, il n'en parle pas. Pas d'alcool ni drogue, moi j'ai même vesti le Nesby. Par contre, j'aime le sexe, je suis sain de corps et d'esprit. Sans prétention, j'ai jamais été de ceux qui prennent la grosse tête. Sauf si tu parles du cerveau qu'il y a sur ma pochette. Ok, j'ai des principes parfois difficiles à supporter, mais je suis pas le genre de mec qui passe tout son temps à s'emporter. Homme d'avenir, modeste, têtu, catalogué. Comme t'es pas sérieux sur MSN qui t'a bloqué. Sans prétention, je suis un mec cool, non pas une calamité. Mon cœur n'a plus d'amour, il est charmé que par l'amitié. Sans prétention, les pieds sur terre avant sans créer tension. Garde le mental ainsi que la pêche en détention. Trop prétentieux en politique, c'est la de mer décidément. Est-ce qu'on va se manger une droite, on verra ça d'ici dimanche. Sans prétention, les pieds sur terre avant sans créer tension. Garde le mental ainsi que la pêche en détention. Trop prétentieux en politique, c'est la de mer décidément. Est-ce qu'on va se manger une droite, on verra ça d'ici dimanche. Sans prétention, on aime trop la basse, c'est la kick est fort. En 2007, le CM, ça joue à PES, c'est pas kick-off, on est des hommes. C'est le titre que je me dois défendre. Beaucoup d'MC ont trop jacqué, ou leur carrière qu'on va les centre. Le cul sur de la bière, la galère, ou pied des battes dans leurs bras. Jusqu'à ce que nos maîtresses débarquent, notre jeunesse se garde droit d'emmerder ceux qui la gèrent. Elle est en file d'attente derrière un cul pour soulager. Sans prétention, je peux t'avouer que je suis loin du plus nul. L'écriture en recul, à mal écrire, on en perd des plumes. Puis t'es pas d'accord, c'est que t'as perdu la raison. Ni ta maison 10, ta famille, j'ai la même à la maison. Sans prétention, je peux te dire, c'est facile d'être un artiste archi nul. Tu peux être ou distrayant comme Archie. Mal fait le titre MC, j'en ai pas la prétention. Je l'ai déjà le garder, j'en ai bien l'intention. Sans prétention, les pieds sur terre avant sans créer tension. Garde le mental ainsi que la pêche en détention. Trop prétentieux en politique, c'est la de mer décidément. Est-ce qu'on va se manger une droite, on verra ça d'ici dimanche. Sans prétention, les pieds sur terre avant sans créer tension. Garde le mental ainsi que la pêche en détention. Trop prétentieux en politique, c'est la de mer décidément. Est-ce qu'on va se manger une droite, on verra ça d'ici dimanche. Sans prétention, je me prête au jeu du rap. Et pour moi, c'est du qui tout double. L'argent se trouve dans nos paroles, on s'enrichit dès qu'on te touche. Tu sais ce qu'on m'a dit, mon Dieu, messieurs, mesdames, on m'a maudit. Mardi, lundi, au manche, dit je rêve d'audier, même au deal. Quand je me fais du tort et ma peur s'enrichit. Au fil du temps, je me détends avec mes potes en soirée chie. Si je croisais la chance au tribunal, j'en serais son bouc émissaire. Trop prétentieux sur internet, normal que je bloque mes scènes. Sans prétention, je peux te procurer un medley. Attention, je suis dans mon nuage, prévenez l'armée de l'air. Je suis issu d'un monde à part, ne me dis pas que je suis prétentieux. Car moi, je manque de confiance depuis ma première dent de l'air. Trop prétentieux en politique, c'est la de mer décidément. Est-ce qu'on va se manger une droite, on verra ça d'ici dimanche. Même si le monde part en couche, viens m'apeser sur MPC. Je suis impuissant sur la bonne route, mais dis-moi qui sera me pousser. Sans prétention, les pieds sur terre avant sans créer tension. Garde le mental ainsi que la pêche en détention. Trop prétentieux en politique, c'est la de mer décidément. Est-ce qu'on va se manger une droite, on verra ça d'ici dimanche. Sans prétention, les pieds sur terre avant sans créer tension. Garde le mental ainsi que la pêche en détention. Trop prétentieux en politique, c'est la de mer décidément. Est-ce qu'on va se manger une droite, on verra ça d'ici dimanche. Sans prétention, les pieds sur terre avant sans créer tension. Garde le mental ainsi que la pêche en détention. Trop prétentieux en politique, c'est la de mer décidément. Est-ce qu'on va se manger une droite, on verra ça d'ici dimanche. Sans prétention, les pieds sur terre avant sans créer tension. Garde le mental ainsi que la pêche en détention. Trop prétentieux en politique, c'est la de mer décidément. Est-ce qu'on va se manger une droite, on verra ça d'ici dimanche.